Ce livre a l'air bien. Si tu veux, je te le prête. Ton amie Anna est très jolie. Si tu veux, je te la présente. J'adore ton pull. Si tu veux, je te le donne. J'ai besoin d'argent. Si tu veux, je t'en prête. Je ne comprends pas ce problème. Si tu veux, je te l'explique.